jouer celui-là là. Ça doit pas être sur la bonne tonalité. Ouais, Doc. vas-y. Prochain tube de la CDC. Christine, faut que tu manges, je t'entends pas moi. Un peu plus de volume et ce sera parfait. mais tu montes un peu, c'est pas grave. C'est pas mal cette voix. J'ai pas tout marqué, C'est pas assez. Attends, c'est ah merde, ouais, je suis trompé. Un do. Attends. trop de guitare. Pas mal ta voix. sol. Woman, such a night. satisfaction. I can get no satisfaction. Si je vais manger parce que j'ai faim. On lui demande, s'il te plaît le batteur, arrête. Demandons à monsieur EZ de s'arrêter. Merci Phil. Salut les gars. Salut Preston. Ça fait du bien un peu de la voix.